fraîche, la vie. Qui s'égorge, m'appelle pas Esteban, mais j'habite une cité d'or. Cherche une bonne planque, cherche le bon plan. Vu qu'on te pète le menton dans les règlements de compte. T'entends, les anges chantent. La rue pleure vu que le crime, on a ça dans le sang. La télé banalise la gloire et son casse-tête. Sartex, fais faire Star Trek à la Starac, Scarla. Smart des bâtards et de la pasta. J'ai dit pasta au chat sale qui provoque la casta. Ilotier, bouclier. Y'a un abus de téléjeune donc ils veulent tout oublier. La Heineken coule, pareil que c'est pour oublier. Mais Astra là en carburant, tous aux oxeux pour oublier. Ta vie c'est ce que t'en fais. Est-ce que j'ai mérité une mordine? Merde, qu'est-ce que j'en sais? Les gens saignent pour un succès éphémère. Mais merde, mais passer des bandes la tête à la bande FM. Les caisses brûlent, l'avenir est peut-être trou. Mais les petites sœurs prêtes à porter des jeans pète boule. Résiste à fait belek au gars du hood. Car même les stars du foot se transforment en marque du trou. Cherche le bon plan, vu qu'on sent le menton dans les règlements de compte. T'entends, les enchantes, fou, la rouleur, vu que le crime, on a ça dans le sang, go. Cherche une bonne planque, cherche le bon plan, vu qu'on pète le menton dans les règlements de compte. Ça, mais c'est mieux que d'être trop tard. Quand je rêvais, je souhaitais que la violence rétrograde. Mes cicatrices et mes silences en disent long. Mon cœur porte le tri, faut camoufler ses sentiments. En 10 ans, j'ai appris que les bandits chantent. Quand la rue est enivrante, le diable te fait la danse du ventre. Tu figurant, j'ai rien gagné. J'ai juste pris du ventre, mis du temps à dire. Va te faire foutre à la vie du banc. J'attends plus de signal pour pillard. Vu que ça se fight pour une pillage ou un signal. J'ai peur que la mort nous kidnappe. Pire que mon meilleur pote, je tranche la gorge pour une pizza. Les petits stars, les kings of Panam. Les gars en place, les machettes, comment esquiver le drame. C'est clock contre clock, cité contre cité. J'ai vu des mères en larmes, des types sneakers pour un sneaker. Ambiance bravers, faut réveiller les rêves. Les petits fraîches veulent du maillot pour atteindre la fraîcheur. Wesh, pose pas de questions. Si t'étais sur les lieux du crime, trouve la Libye en béton. Rien à foutre de la mort qu'on prédestine, veux juste crever dit. Les célèbres comme un Kennedy. Oh, ça. Donc on purge notre pénitence. 24 piges, affronter le sol comme Tony Danza. Oh, ça. Cherche le bon plan, vu qu'on sent le menton dans les règlements de compte. T'entends, les enchantes, fou, la rouleur, vu que le crime, on a ça dans le sang, go. Cherche une bonne planque, cherche le bon plan, vu qu'on pète le menton dans les règlements de compte. Jordan, Fosse, Clark, All Star, champagne et vodka. Pot barge, go crâne. Podcast, chômage et franclage. Cauchemar des gros stars. Cousin, gros tâche, explose ça. Les ex-dollars jouent les Escobar. Te perforer ton mal, get ton life et c'est le coma.